Le service d'inauguration du pensionnat des ouvriers de la filature Kim Jong-suk de Pyongyang a eu lieu le 13 courant sous la participation des cadres intéressés, des militaires bâtisseurs et du personnel de la filature. L'orateur a indiqué que la mise sur pied du pensionnat de la filature grâce à la bienveillance du Parti du Travail de Corée est un événement heureux non seulement pour les ouvriers de la filature, mais aussi pour tous les ouvriers du pays entier. Le pensionnat est un foyer de bonheur construit grâce à la sollicitude du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui qualifie la classe ouvrière d'héroïque classe ouvrière Kim Il-sung et Kim Jong-il, et qui l'entoure de l'affection paternelle. Le pensionnat à 6 étages est constitué des dortoirs, réfectoires, salles de festin d'anniversaire, salles de sport et de distraction, pour ainsi offrir aux pensionnaires la condition la plus conforme. Après le service, les pensionnaires se sont emménagés sous les félicitations des cadres et des ouvriers. Le même jour, il y a eu un banquet en l'honneur des pensionnaires.